Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast où on papote de tout, mais pas de rien. Alors aujourd'hui, on va parler organisation et planification. Et c'est deux sujets que j'adore, enfin deux choses que j'adore faire en fait. Et c'est très important quand on se fixe des nouveaux objectifs, que ce soit à court ou à long terme, de s'organiser pour établir un plan d'action, pour se fixer des échéances, pour voir comment évolue notre projet, etc. Et un outil qui est vraiment super pour ça, c'est le bullet journal. Vraiment, si je pouvais vous conseiller une habitude à prendre pour être plus productif, plus efficace, y voir plus clair dans où vous allez tout simplement, ça serait d'en tenir un. En fait, c'est super simple pour ça, il vous suffit d'avoir un carnet, n'importe lequel, et un stylo, et c'est tout. Après, si vous avez envie de... Si vous avez un côté plus créatif, par exemple dans le dessin ou autre, ou pas forcément mais que vous voulez le développer tout simplement, vous pouvez acheter des carnets exprès pour les bullet journal, ça existe. Vous pouvez acheter, investir dans des feutres de qualité, des stylos de qualité, etc. etc. Mais ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais là on va surtout parler de la façon la plus simple et la plus accessible pour tout le monde d'en faire un. Alors qu'est-ce que c'est un bullet journal? En fait c'est un petit peu votre carnet de bord dans lequel vous allez écrire tout ce que vous voulez. Donc ça peut être vos projets, vos objectifs, votre emploi du temps, vos rendez-vous, des listes, tout ce que vous voulez. Et en fait tout va être regroupé dans un seul carnet et ça va être beaucoup plus pratique. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez sûrement été confronté à la situation où vous notez tout de partout. C'est-à-dire vous avez peut-être un agenda dans lequel vous notez votre emploi du temps et vos rendez-vous. Et puis à côté des feuilles volantes où vous faites des listes de temps en temps, ou des rappels sur votre téléphone, où vous prenez des prises de notes, ou alors des post-it sur votre ordinateur. Et au final c'est pas du tout pratique parce qu'il y a tout qui est éparpillé. Quand on cherche quelque chose on sait pas où le chercher, ou alors on n'a pas le matériel sous la main. Donc voilà, l'intérêt du bullet journal ça va être vraiment de tout regrouper en un seul carnet. Donc pour vous expliciter un peu plus tout ça, je vais vous dire simplement comment j'ai arrangé le mien. Et voilà, on vous fera certainement une vidéo sur le compte Instagram pour que ce soit un peu plus visuel, parce que j'ai conscience que par audio comme ça, on n'arrive pas forcément à bien s'imaginer. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram si ça vous intéresse. Et on va commencer tout de suite. Donc il faut savoir qu'un bullet journal, normalement, c'est pour une année. Donc ça se commence en janvier, ça se finit en décembre. Et moi, en tout premier, j'ai fait une catégorie liste parce que c'est des listes que, tout simplement, je vais consulter tout au long de l'année. Par exemple, c'est la liste des films que j'ai envie de voir, des séries que j'ai envie de voir, des livres que j'ai envie de lire. Et dès que j'ai besoin d'un peu d'inspiration, on est sur Netflix, on ne sait pas quoi regarder, ben, je vais regarder là-dedans plutôt qu'à chaque fois passer 3 heures à chercher. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire tout au long de l'année. J'ai aussi une page idées cadeaux que j'aime beaucoup. En fait, pour chaque membre de votre famille ou ami ou bref personne à qui vous êtes amené à faire des cadeaux, vous allez noter tout au long de l'année des choses qui lui font envie, des choses dont il vous parle. Comme ça, au moment de Noël ou au moment de son anniversaire, vous aurez simplement à re-regarder cette page et vous en inspirer plutôt que galérer à chercher au dernier moment une idée de cadeau parce que ça fait 3 semaines que... Il vous parle plus forcément de ses envies ou que sais-je. Et voilà, cette page est hyper pratique. Donc ensuite, on passe à une partie que personnellement j'ai appelée planning, qui va être un petit peu plus autour de l'emploi du temps et du calendrier. Donc moi, je commence ça par une double page où je fais le calendrier de toute mon année qui va me permettre d'avoir une vue d'ensemble et de noter tous les événements importants. Donc ça va être par exemple des anniversaires, des voyages, mais aussi les week-ends ou les jours fériés. Voilà, tout ce qui est important, mais d'une vision très globale quand même. Ensuite, je vais avoir une vue du mois. Donc par exemple là, vu qu'on est au mois de mai, ça va être, donc je vais écrire tous les jours du mois de mai, donc en raccourci bien sûr. Et je vais écrire en face de chacun si j'ai des choses de prévues, des rendez-vous ou autres. Ensuite, je vais me fixer mes objectifs pour ce mois et ensuite, je vais noter mes trackers. Donc les trackers, c'est quand on veut mettre en place une nouvelle habitude ou en continuer une d'ailleurs et qu'on va noter tous les jours si on l'a fait, oui ou non. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai dit que je voulais continuer de faire du sport. C'est une habitude que j'ai prise depuis le début du confinement. Et en fait, je surligne par exemple la journée avec du bleu si j'ai fait mes abdos. avec du jaune si j'ai travaillé les cuisses et avec du rose si j'ai travaillé les bras. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, pour plein d'habitudes différentes, peu importe, vous pouvez faire plusieurs types de trackers, etc. Donc ensuite, on va passer à une vision au niveau de la semaine cette fois-ci et donc des jours. Parce que à part si vous avez vraiment des journées extrêmement rapides, vous n'avez pas besoin d'une demi-page, d'une double page, pardon, pour écrire une journée. Donc là, vous allez écrire votre semaine, vous allez avoir la place d'écrire vos objectifs pour la semaine, toutes les choses que vous devez ou que vous voulez faire cette semaine. Et ensuite, pour chaque journée, vous allez quand même avoir assez d'espace pour planifier au début de chaque journée ou alors le soir. Moi, j'aime bien faire ça le soir, comme ça le lendemain, quand je me réveille, je sais directement ce que j'ai à faire, ce que vous voulez faire le lendemain. Et voilà, ça va être tout le principe du bullet journal, de se fixer des objectifs à court, moyen, long terme, de voir comment on avance, de pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes, de vous simplifier la vie. Donc voilà, vraiment, je le conseille à tout le monde, que vous aimez l'organisation ou pas, si vous aimez vraiment, vous allez vous éclater. Mais même si vous aimez pas, c'est vraiment super, super simple en fait, vous faites vraiment la chose à votre image. En plus, c'est un très bon moyen d'exploiter sa créativité. Parce que quand le décor ou pas, on va forcément mettre en place des petites choses personnelles. Donc voilà, c'est super sympa. Et puis en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram pour voir les visuels qu'on va fournir à ce sujet. Mais également à regarder sur internet ou sur YouTube si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire et à nous rejoindre sur Instagram. Passez une bonne journée !